L'After Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. After Job avec Francky l'après-midi. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Si on est derrière, on est en direct jusqu'à 18h30, plein d'invités aujourd'hui. Et je peux vous dire du très très très lourd. Tiens, les bons souvenirs avec les débuts d'Aya Nakamura. Alors c'est vrai que j'adorais cette fille au début quand elle avait chanté ce titre Comportement. Je trouvais ça plutôt sympa. Maintenant j'aime moins. Bon, ça c'est mon avis personnel. On aura des invités de marque aujourd'hui. Thomas Renaud, ex-USO, maintenant élu à la mairie d'Orléans au sport. Il sera avec nous. Et puis Richard Leroux, hein, le boss du Factory, va nous expliquer un peu cette fermeture administrative qui vient de lui tomber. On en parlera en direct. 16h35, voici Aya Nakamura, son premier hit, Comportement. Gérer. Dans les carrés VIP, qui voudra me gérer? Qui sera là

sur Job avec Francky l'après-midi. Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Love.

club de l'amour avec Brian Ferry, le meilleur des sommaires, l'after job. C'est Frankie jusqu'à 18h30 en direct. After Job avec Frankie l'après-midi. Et puis les bons plans, hein, si vous cherchez un job dans la restauration, il y a un restaurant portugais qui recrute un cuisinier du lundi au samedi midi pour un 35 heures par semaine. Un CDI sera proposé pour début novembre 2020. Équipe et salaire motivant, donc vous m'appelez 02 38 43 48 00. 02 38 43 48 00. Puis je vous file les coordonnées, voilà, du resto. En direct avec Bézégol, ça on adore sur la radio arc-en-ciel. Mesmo assim eu dei. Só quiseste ouvir aquilo que eu não te falei. Não pensei que perdi, mesmo assim não larguei. Agora estou sem ti, mas na verdade ainda não sei. Deixa-me sentir, deixa-me acordar os anos que anestesiei. Não quero mais fugir da realidade que por ti eu afastei. Comprei mal, varri o teu templo, o amor que selamos com lacre de prata. Mas um Dom Quixote que por ti se mata. Agora é que eu vejo quem contigo para. Trocou o desejo pela tua lei da bala. Cegaste-lhe a esperança e sugaste ao corpo o que nasceu certo. Vais-te o ponto torto, deixa-me sentir. Deixa-me acordar os anos que anestesiei. Não quero mais fugir da realidade que por ti eu afastei. Deixa-me sentir. Deixa-me acordar os anos que anestesiei. Não quero mais fugir da realidade que por ti eu afastei. Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Difícil, mami, dame la clave. Siempre me dice que se va y no hace nada. Mami, dime. Baby, tu cuerpo me mata. Sin ti no soy nada. Mami, yo te quiero para mí. Y cada noche ella me dice que no me ama, pero siempre me reclama. Perdóname, perdóname. Así que olvídame. Esos movimientos que me ponen loco. Poco a poco, contigo ya no me equivoco más. Hay algo en tu mirada, llamas que no se apagan. Solo dime, mami, ¿cómo será? Dame un poquito de tu sabor, yo te necesito, quiero tu amor. Dejamos el drama, no aguanto la gana. Quédate conmigo, ven, por favor. Ella me hipnotiza con su caricia suave. Se hace la difícil, mami, dame la clave. Siempre me dice que se va. No hace nada, mami, dime. Baby, tu cuerpo sea. Me mata. que olvídame. Hay algo en tu mirada, llamas que no se apagan. Algo en tu mirada, a mí se ve algo en tu mirada. Hay algo en tu mirada, llamas que no se apagan. Solo dime, mami, ¿cómo será? Luchanzo sur la console, on adore l'avoir comme ça, on l'aura bientôt au téléphone, ça va me faire plaisir. Après quand même 2-3 ans d'absence, il va revenir en force. Et puis du nouveau son avec VG Dream. Et ça, vous adorez la reprise. J'avais bien capté qu'il fallait que je m'habille d'une manière décontractée. C'est comme si je devais passer le bac. Notre histoire commence maintenant, comme si mon album sortait dans les bacs. Et... Tête au touch, ouais, vous vous rappelez dans les années 2000, c'était un carton. Là, j'aime moins, mais bon, après, les goûts, les couleurs, hein, ça dépend. Regardez vous, Caméléon qui arrive, ça c'est le nouveau, et puis on adore sur la conciel, forcément, ça fait plaisir, ça fait penser un petit peu aux vacances d'été, au soleil. Bah, c'est Caméléon, le nouveau single. Se fue, no sé por qué se fue. El amor entre tú y yo, entre tú y yo. Tantas cosas quedan por hacer aquí en mi corazón. Corazón mío. Todas esas noches haciendo el amor, gastando tu piel hasta el amanecer, buscando tu boca para decirte adiós. ¿Por qué me vas? Ya no sé ni lo que siento por amarte. Je sais plus comment faire pour vivre sans toi. Juste toi et moi, je sais comme ça. Contigo. Si tu t'en vas. Avec Francky, l'après-midi. Yes, I am. Feel the princess them. Can I hear this? Hey, watch this. Je t'en prie pour la dernière fois. Fais monter la fièvre en moi. Mais comme notre première fois. Celui que tu connais. Fais comme si toujours tu m'avais désiré. Je te veux. Comme cette première nuit passée dans tes bras. Je t'en prie pour la dernière fois. Fais monter la fièvre en moi. Mais comme notre première. Jimmy Ayaman, le meilleur du son 2000, ça me fait plaisir de vous retrouver. 17h15, dans quelques minutes, ils sont notre invité, c'est Thomas Renaud et Richard Leroux aussi sera notre invité en direct à la radio. Et ouais, une belle après-midi avec vous et le meilleur du son avec Brock Waters. Got a

call gangsta. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. Extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby. It's a number. Mr. Officer, still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone test will hear the fat lady sing. Act like you know, G go. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha cha cha cha. Here come the hot step up. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. After Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón, sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. français, le meilleur soleil avec Sofia Alvaro Soler. Dans moins de 3 minutes, deux invités en même temps et on va deux sujets qu'on va aborder. Richard Leroux, le boss du Factory, est là. Il prend une fermeture, on va en parler avec lui. Et puis on est heureux de l'accueillir, c'est Thomas Renaud, ancien gardien de but de l'USO, maintenant à la mairie d'Orléans, au sport. Il sera notre invité aussi en direct, moins de 5 minutes. C'est nos invités dans moins de 3 minutes. Richard Leroux, qui est le gérant du Factory à Saint-Denis-en-Val. On va parler de cette fermeture de bowling. Et puis, élu à la mairie. Avant, il était gardien de but à l'USO. Et ouais, il est dans les studios de la radio. C'est Thomas Renaud, qui sera notre invité aussi dans quelques minutes. Juste avant, le meilleur des souvenirs dans les années 80. Avec un peu de soleil, et ça fait du bien. Voici Jimmy Cliff, Reaganite. Reggae night, and we'll be jamming till the morning light. train de fredonner ce titre de 84, Jimmy Cliff avec Reggae Night. Et nos invités, ils sont installés dans les studios, on les accueille tout de suite en direct. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Alors l'invité, les invités, avec les distanciations qui vont bien dans les studios. Oui. On est à plus d'un mètre l'un de l'autre. J'accueille le premier invité, Richard Leroux, qui est le patron, le boss. Salut Francky. Du Factory à Saint-Denis-en-Val. On va en parler justement du Factory qui vient de prendre une fermeture administrative ou qui vont prendre une fermeture administrative. Et puis j'ai l'honneur d'accueillir, il est déjà venu en tant que footeux, que gardien de but de l'USO, ancien gardien de but de l'USO, il est dans nos studios. C'est Thomas Renaud, maintenant à la mairie d'Orléans, élu au sport. Bonjour Thomas. Salut Francky. Comment tu vas? Bien. Ça va très bien. Bah ça me fait plaisir de te voir sous un autre contexte aujourd'hui à la radio en tant que élu. Si c'est tu veux sympa. Bien, on va démarrer avec toi Richard Leroux. Le Factory vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Les journaux en ont parlé il y a 2-3 jours, même moi. Alors moi j'en parle pourquoi? Parce que moi je suis là-haut en tant que DJ le week-end. Je viens de perdre mon job depuis hier. Encore. Alors, à savoir que j'ai perdu mon job au 7 parce que la discothèque est fermée. Alors j'étais le gérant du 7, je suis toujours le gérant. Je suis au chômage encore une fois, je vais passer ma vie au chômage. Et puis tu viens de m'annoncer qu'un mariage était annulé. Oh la vache. C'est ma belle journée aujourd'hui. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, pour faire de la polémique. C'est la vie, c'est comme ça. Richard Leroux, une fermeture qui vient de tomber ou qui va tomber au Factory à Saint-Denis-en-Val, le bowling. Bah écoute, demain ou après-demain, ouais. 45 jours, hein, pas une petite fermeture, une belle fermeture. Une belle fermeture de 45 jours, ça va faire mal, je pense, non? Ah ouais, ça va être compliqué après le Covid. 3 mois plus une grosse perte d'exploitation. On se rajoute 45 jours, on remercie bien sûr la préfecture. Hein. Ouais, ben un big up au passage. Alors, est-ce qu'on peut rappeler le contexte ou pas? Parce que les auditeurs qui nous écoutent ne savent peut-être pas pourquoi. Il y a plein de gens qui se posent des questions. On va dire la réalité, elle est un peu malheureuse, entre guillemets. Alors voilà, il faut... Il faut aussi penser aux familles. On va penser aux familles parce que, bien sûr, il y a de la douleur derrière tout ça, mais il faut mettre aussi les choses à leur dans place. L'ordre. Voilà, dans l'ordre. Mmh. Au mois de février, un gamin s'est tué en partant de chez nous. Malheureusement, ouais. Voilà, ça arrive. On a une pensée pour toute sa famille, bien sûr, à la radio. Ça, c'est le côté c'est pas malheureux. Cool. Mais après, voilà, il faut un responsable, et le responsable, c'est forcément celui qui a servi de l'alcool. En dernier. Alors, parce que, il faut savoir que des fois, c'est pas forcément de chez vous. Ça, on connaît, entre guillemets, moi, je connais avec la boîte de nuit depuis des années, que malheureusement, des jeunes picolent avant, avant d'aller pendant, en boîte, dans les bars. En faisant on tape sur le dernier. La dernière carte bleue, on regarde, ou le dernier paiement, c'est ici, c'est là, et là, on leur tape dessus. Voilà, et puis des fois, on comprend pas pourquoi on dit aux jeunes, non, vous allez pas tout seul à votre voiture, parce que, dans le coffre, c'est moins cher. Il faut pas le faire. Donc aujourd'hui, on nous reproche la consommation d'alcool excessive, alors qu'un établissement peut pas être responsable d'une consommation d'alcool excessive, puisque c'est une responsabilité personnelle. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juridique, j'invente rien. Mm-hmm. La seule chose qu'on peut nous reprocher, c'est l'incitation à boire d'alcool. Ouais. Donc ça, c'est-à-dire aux clients, continue à boire. On continuera à servir. Ou achète 2 bouteilles, chauffe la 3e. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est incité à la consommation. Voilà, ça, c'est de la vraie incitation. Vous, ça s'est pas passé comme ça? Jamais. Jamais. Depuis Saran, depuis toujours, on fait des campagnes de sensibilisation avec la préfecture, avec Monsieur Prudhomme à l'époque, qui faisait des capitaines de soirée chez nous. On a lancé des SAM dans le Loiret. On a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup coûté, mais on l'a fait. Voilà. Mmh. Il faut des fois aussi faire les choses bien sûr. On n'est pas là que pour gagner de l'argent. Donc voilà, nous on a prouvé dans une enquête avec des auditions que sur les caméras il n'y avait pas d'incitation, qu'il y avait des fausses déclarations. Carrément. Voilà, c'est comme ça. Et malheureusement, ça suffira pas. Ça suffit pas. Non, il faut un coupable. 45 jours, c'est bien. Alors 45 jours, c'est ce qui a été annoncé. On m'a prédit 6 mois à la base. Est-ce que c'est vrai? Ah bah oui. Alors là, après le big up à la préfecture, le big up au commissaire divisionnaire qui nous a pas reçus, mais qui a fait un rapport en sachant mieux que nous ce qui s'est passé, qui a lui pas vu les vidéos parce qu'il y avait une enquête à la base. Administrative. Les vidéos étaient vues par des enquêteurs. Et après, t'as un rapport qui tombe, qui dit l'inverse du truc, qui arrange tout le monde, et puis on ferme. Quoi. Donc là, combien de personnel au chômage aujourd'hui, demain? 14 personnes 14 au chômage. 14 personnes, des apprentis qui viennent de commencer aujourd'hui, qui vont arrêter demain. En plus, t'as pris des apprentis, Des sportifs qui ont démarré une saison sportive. Enfin, nous, notre clientèle, c'est pas que des gens qui viennent le soir. Bien sûr. Il y a des sportifs. Il y a des gens qui ont une licence, qui s'entraînent, qui ont des objectifs sportifs. Ceux-là, ils peuvent plus venir déjà s'entraîner. Ouais. Terminé, 45 jours. Est-ce que tu penses pas que justement, en mode Covid, on aurait pu un peu alléger la sentence ou alors moi j'arrive même pas à y croire. Je ne comprends même pas qu'on puisse faire ça en même temps. Tu sors d'un confinement aussi comme tout le monde. Nous on a fermé 3 mois, on aurait pu nous donner notre punition de 45 jours pendant les 3 mois, tu vois. Ouais, ça aurait été mais mieux. Mais bon, on bosse pas pendant le Covid au commissariat. C'est clair. Voilà. On attend de réouvrir pour nous remettre une petite punition. Donc les PGE et toutes les aides, ça va passer là. Voilà, on va les redonner. Ouais. Si on se relève. Quelle est la solution aujourd'hui, alors administrativement, t'as les avocats. Faut saisir le tribunal administratif. Ouais, mais la fermeture est actée, hein, ça y est. C'est... Ah bah demain je vais chercher mon papier et demain, je repars avec mon verrou, quoi. Ouais. C'est comme ça. Il y a un appel ou pas? Tu vas faire un appel? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et ça bien se sûr, passe, un appel, ça se passe comment? Dédommagement? Déjà, ou... t'es obligé de faire un appel parce que si tu te défends pas, ça veut dire que t'es d'accord. Mmh. Et que tu reconnais avoir fauté. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je suis aussi triste que les gens du gamin qu'ils ont perdu. Ah, bien sûr, ouais, c'est triste, hein, c'est malheureux une vie, ouais. Mais voilà, ça changera rien, elle viendra pas parce que nous, on va fermer 45 jours et puis que la préfecture aura l'impression d'avoir fait son travail. Ouais, c'est de dire on punit, puis voilà. Ouais, regardez, ça fait le chou gras des journaux et tout le monde est content. Mais non, ça marche pas comme ça. Ça fait plaisir à la concurrence, des fois aussi. Hein. Ah bah, entre guillemets. Ouais, non, mais faut être honnête. Ouais, et puis ils se promènent chez nous maintenant le dimanche. Donc, bah ouais, voilà, en plus, c'est balade. Alors, avec un masque. Comment tu vois ça, cette fermeture? Bah, tout le monde au chômage partiel, c'est. Non, c'est quoi, pas de partiel. Ah, y a pas de partiel. Pas de partiel, pas de technique. Voilà, c'est des vacances payées. Ah, tu les mets en CP, en congé payé, on dit. Ah non, il n'y a pas assez de CP pour 45 jours. Ça sera en... Ah ouais, donc congé, une partie en congé payé, ouais, une partie à l'œil. Ou alors on va venir s'entraîner, tu vois. On va tous venir, on est donc, tous payés pour venir. Pour être honnête, il y en a qui vont perdre de l'argent, quoi. Bah bien sûr. Moi, je pense à toi, au personnel, parce que t'as des gens, bah ils vivent de ça. Hein, bah, ils vont avoir une partie, mais le reste, ils l'auront pas, et ça va être un peu galère pour eux. Ils vont certainement bosser ailleurs, ça se trouve, en attendant. Ouais, et puis si tu pars du principe que t'es payé à la commission, tu fais comment quand t'es fermé? Tu touches que ton fixe. Ah ouais, c'est ça. Il y en a qui sont à la commission, donc il y en a qui ont moins, et la commission, ils pourront pas l'avoir. Ils auront rien du tout. Ouais, les extras, ils ont pas de contrat, donc. Moi, il faut que je retrouve un travail, alors du coup, maintenant, je suis un peu dans la news aussi. Non, puis c'est vrai qu'il y a des contrats un peu spéciaux dans les établissements comme les nôtres. Ouais, c'est des gens qui sont payés à la soirée, donc ceux-là, ils n'ont pas de chômage, il n'y a rien. Pas de chômage, Et souvent, c'est des étudiants. Donc, c'est des étudiants qui misent sur 20 ou 25 heures par semaine. Pour avoir un peu de thunes. Et comme ils sont extra, ils n'auront pas de chômage. Ouais, d'accord. Voilà. Donc là, tu vas aller chercher ta notification, on appelle ça comme ça. Ouais, tu vas quand, commissariat? Eh ben, demain, je pense. Demain, Et donc, à partir de demain, on te remet le papier en main propre, t'es fermé pendant 45 jours. On mettra le petit papier à côté celui du jump. Ouais. Voilà. Ah, le jump est fermé aussi. On ferme tout. Le jump est fermé, t'as pas de bol parce que le jump est fermé depuis un an quasiment, non? Plus que ça, même. Combien? Depuis juin 2019. T'as, c'est la poisse, non? Ça s'appelle la poisse ou ça s'appelle comment? Alors, le jump est fermé, pourquoi? Parce que soi-disant que les tapis ne sont pas aux normes incendie, il me semble. Si c'est comme ça qu'on, le terme exact. Qu'on me trouve dans le département un tapis aux normes. Ouais. Dans tous les gymnases où vos enfants vont faire des galipettes, à l'école ou. Ah ouais, les tapis dans les salles de. On a les mêmes, c'est les mêmes tapis. Et donc il y a beaucoup de tapis qui sont pas aux normes. Ça remet. Il y a pas un tapis aux normes. Ok. Donc ou ça alors ils sont tous aux normes, mais on veut pas les reconnaître aux normes chez nous. Donc ça fait un an que t'es fermé, plus d'un an. Tu te disais, il y a un appel qui est fait là-dessus quand même, parce que si aucun tapis aux normes, faut tribunal. Quand même... Et puis on prend son temps, comme ça, le Covid à bon dos, et puis on me décourage. On peut donner des chiffres, Richard. Tu vas perdre combien là sur cette fermeture administrative de 45 jours au factory? Environ 250 000 euros. 250 000 euros. Et plus le stock, qui va être perdu. On a acheté un stock au mois de mars quand on a été fermé pour le Covid. Surtout que vous achetez en gros parce que vous avez des gros. Et là, on rejette. Ouais, c'est on pas jette la semaine. Hein, ouais. On jette deux fois. Et alors, 250 000. Et le jump qui est fermé, il t'a coûté combien? Plus d'un an de. Et ben là, on est sur une perte d'exploitation de peut-être 1,2 million. Et en personnel, au jump, il y avait combien de people? On a licencié 8 personnes. 8 personnes, ouais. Grâce à une seule personne. 8. On va le citer. Ouais. Monsieur le colonel du SDIS. Ouais, on le salue. Voilà, grâce à lui, on a licencié déjà 8 personnes. D'accord. Donc 8 plus là, le jump. Le factory, pardon, donc 15 personnes au chômage, enfin, entre guillemets, une partie du chômage qui vont toucher, ils ne toucheront pas aussi. Ouais. Et en mode Covid, c'est pas facile. Surtout que c'était compliqué, la reprise était compliquée pour tout le monde en général. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Enfin, on est sorti. On nous a filé des prêts facilement, sûr, mais il faut les rembourser au mois de mars. C'est ça, il va falloir payer les notes. Hein, si on est fermé, ça va déjà plus dur. Ok, Richard. Bah écoute, nous, on a lancé un petit appel, on voulait en parler parce que je me dis que c'est un sujet assez important. Alors, moi, c'est vrai que c'est triste pour la famille, c'est bien triste sûr. Pour tout le monde, malheureusement une vie, on ne joue pas avec les vies. Après il faut que l'enquête soit logique, claire et nette. Maintenant on espère que tout va rentrer dans l'ordre dans 45 jours pour vous et puis un jour sortir une vraie loi sur les débits de boissons. Ouais. Si on veut pas qu'il y ait de mort c'est ça. À cause de l'alcool, comment trouver trouver des solutions. On arrête de vendre l'alcool. On vend plus d'alcool. Ou sinon, les SAM, quand ils font pas leur travail, on tape sur les SAM. Ben à ce moment-là, on désigne des SAM, on dit toi, tu conduis. Mais il y avait des SAM dans cette soirée-là. Il y en avait. Ils sont repartis ensemble dans la même voiture. Et il a pas conduit, SAM. Non. Ah merde, ça c'est chiant, ouais, c'est dommage. Voilà. Richard, un dernier mot peut-être à rajouter avant d'accueillir notre invité Black Box qui arrive à un son, et puis Thomas Renaud qui est dans les studios. Un dernier mot à rajouter. Bon, moi je t'ai laissé l'antenne, on est libre antenne, hein. Moi j'assume ce que je dis, ce que je fais alors, en direct. On est une radio libre, donc. Voilà. Bah moi je vais te dire mon mot de la fin, c'est j'encourage personne à investir dans le Loiret. Ouais, ouais, c'est terminé le Loiret. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Ouais, t'as raison. Ouais. Ouais, ça fait parce que quand on perd la logique, on perd tout. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, c'est ton dernier mot, Richard. Ah, c'est mon dernier mot. Ouais. C'est peut-être la dernière fois que vous m'entendez. Ouais. Ça, c'est sûr. Non, peut-être pas. Ça enfin, pas toi, mais. Non, mais moi, je te reverrai. On se reverra. Puis j'espère te revoir aussi à la radio quand tu auras d'autres. Quand tu seras ailleurs. Quand tu seras ailleurs. Quand putain, c'est bien ailleurs. L'herbe est plus verte. C'est ça. Ouais. Merci, Richard Leroux, d'avoir été notre invité pendant 15-10 minutes. Adieu sur Radio Arc-en-Ciel. On va accueillir dans moins de 3 minutes. Eh ouais, il est dans le studio. C'est Monsieur Thomas Renaud, je l'appelle. Et ben ouais, invité en moins de 3 minutes. En 1989, ça va pas vous rajeunir, hein. À l'époque on dansait en boîte encore, bah ouais, c'était la bonne époque. Black Box, One on Time, 17h46, notre invité il arrive, c'est Thomas Renaud dans les studios de la radio. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ah, je voulais chanter Gloria Gaynor, Gloria Gaynor, I Will Survive. Ouais, c'est un peu l'hymne du football. Alors, ancien gardien de l'USO Football, il est passé de l'autre côté, élu à la mairie d'Orléans au sport. J'accueille aujourd'hui Thomas Renaud. Bonjour Thomas. Bonjour Francky. Comment ça va bien? Ça va très bien. Alors, je t'ai reçu quelques fois à la radio, avec Cyril notamment, Gaynor, en tant que gardien de but de l'USO. Est-ce que ça te manque avant de démarrer l'USO au foot, le gardien? Non. Le sport. Je suis bien occupé, donc ça, ah oui, ça me manque pas. Après, j'en ai bien profité pendant presque 20 ans. Donc non, ça me manque pas encore pour le moment. Pas encore. Voilà, ça m'empêche pas de courir encore, mais ça me manque pas au quotidien. Ouais. Ah, toujours un peu de sport. Tu fais un peu de foot toujours. Ouais. Oui, toujours un petit peu. Ouais. Voilà, donc j'ai repris licence dans un club à côté à Chingy pour Il y a ma boîte, ça. Un petit peu. Voilà, ouais, je passe devant. Tu passes souvent, tu peux faire signe. Voilà. Ça fait 7 mois que je passe devant comme ça aussi. Moi, je leur fais les signes. Alors, comment on passe aujourd'hui d'ancien footballeur à élu? Comment tu es arrivé à la mairie d'Orléans au sport? Ça s'est passé comment, la belle histoire? Moi, je suis arrivé en 2013. Il y a le maire de l'époque qui est venu me chercher pour intégrer sa liste. Ouais. J'étais en activité, donc footballeur professionnel. Bien sûr, ouais. Donc avec les contraintes qui vont bien, mais il m'a dit, écoute, ça dure 6 ans et après derrière on sait jamais. Moi je serais arrivé à 36 ans, donc ça a été le cas. La retraite puis, du foot. Oui, quasiment, ouais. C'est les jauges 35-36 ans. Et puis, bah, nouvelles élections, on me demande de repartir. Au départ, je voulais pas. Pourquoi tu voulais pas? Parce que tu voulais continuer. Bah, je voulais pas parce que quand tu vois comment ça a pu se passer un petit peu ces derniers temps, non, que ce soit à l'USO ou même en politique. Moi, je suis pas. Enfin, voilà. Ça t'a fait peur un peu? Non, je suis pas quelqu'un comme ça. Je suis pas là pour polémiquer pour rien. Bien sûr, ouais. J'aime bien les actions concrètes et je voulais rester dans le football. Bon, j'ai pas pu y rester pour diverses raisons, indépendantes de ma volonté. Et on t'a poussé. On m'a un peu poussé, voilà. On t'a un peu poussé. Ouais. Moi aussi, on m'a poussé en radio. À l'époque, voilà. J'étais sur des grosses radios et on m'a poussé. Hein, tu sais, des fois, les rageux qui sont derrière, ils disent bon, bah lui, il fait trop de bruit, on l'enlève. Je vais pas citer de nom avec DV, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Thomas, la police, je balance des trucs de ouf, quoi. Non, mais je crache pas dans la soupe. Hein. J'ai fait des bons moments dans des grosses radios et ça, je suis fier aujourd'hui d'avoir fait ces bons moments. Juste des petites choses qui m'ont pas trop plu. Mais bon, c'est pas grave, on est pas là pour parler de ça, on est pas là pour parler de toi, Thomas. La politique. Alors, quand t'arrives au sport, beaucoup de choses, hein, le foot, le basket, le hand, enfin j'en passe, il y en a tellement Orléans, et puis des grands clubs quand même. Oui, énormément. Aujourd'hui, je me suis attaché à rencontrer chaque association qui le désirait. Donc, bien sûr. Sur les 192 à Orléans, j'en ai déjà vu 134. Ouais. Avec Romain Longlas, qui est conseiller municipal à mes côtés. Pour moi, c'est important parce que c'est eux la proximité, savoir leurs besoins. Comprendre aussi des fois leurs interrogations et puis pouvoir les écouter. Ouais. Et ça passe par là. Donc, et puis effectivement, comme tu l'as dit, il y a aussi les gros clubs qui, eux, ont des besoins. Bah demain, reçoit Sabine Guillien, là, qui est la présidente de des Panthères. Fleury, ouais. Ouais, viens là. Avec Handisport, là. Je salue aussi Handisport qui sera là. Et bah, voilà. Je les ai reçus aussi. Et bah, ils viennent là demain, les deux là en même temps. Ouais, moi, je convoque tout le monde en même temps. Comme ça, au moins, je fais deux en un, comme les produits ménagers. Non, mais c'est bien. Mais voilà, après, ce sont des choses qui sont passionnantes parce qu'à partir du moment qu'on est passionné de sport et du boulot, écoute, hein. Il y a énormément de travail. Franchement, je vois pas le temps passer. Tu m'étonnes. Mais c'est plaisant. C'est plaisant. Sincèrement, c'est plaisant, même si on a pas mal de choses à gérer, pas mal de problèmes, notamment là avec la crise sanitaire, parce que c'est... Ah ouais, là, c'est le pire, je crois. C'est pas, ouais, c'est vraiment pas évident. C'est pire parce qu'on sait pas où on va, en fait. On sait pas quand est-ce que ça s'arrête, ou ça va s'arrêter, ça va pas s'arrêter. On sait pas comment faire. Non. Quand il y a quelque chose qui tombe, bon, on a une solution, ok, on se dit, bah, fin, machin, c'est fini, ok, on reprend. Mais là, on sait même pas. Ça repart, ça revient, on sait même pas. On sait même pas si les chiffres, ils sont bons. Ouais, c'est exactement ça. Moi, à mon échelle, c'est de savoir si on n'ouvre pas les vestiaires et les douches. Ouais, bah oui. Parce que quand on fait du sport, bah forcément on transpire. Ah et oui, si ça on c'est le pire. Ça, et c'est le pire. Sa douche. Ah ouais. Voilà, c'est le pire. Mais sauf qu'on est dans une période épidémique assez extrême. En ce moment, on est rouge. On est rouge. Sûr, voilà. Rouge. Au bout d'un moment, on est le seul département de la région à être en rouge. Mmh. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Forcément, on fait des mécontents, mais toutes les semaines, c'est remis à jour. Justement, Thomas, comme on est passé en mode rouge, entre guillemets, il y a eu de nouvelles restrictions pour les clubs, en te disant, on va limiter à ça, ça, ça et ça. Bah, pour nous, on a un protocole déjà établi. Mairie, ouais. Établi. Après, il y a le protocole fédéral de chaque fédération et on fait un mixte des deux où on demande au président de s'engager et nous, mairie, on s'engage. Ouais. Par contre, là, ce qui est sûr, c'est que pour tous les entraînements, on a fermé les vestiaires et les douches parce que il faut limiter au maximum. Pour l'instant, on se douche plus. Ça va dober dans les clubs. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Donc voilà, pour l'instant, la décision, elle est celle-ci. Elle est évolutive. Tous les jeudis, on met ça à plat. Alors, beaucoup de boulot, c'est ce que tu disais. On a vu la piscine qui a réouverte, la source. Mmh. Magnifique. Alors moi, je dis magnifique parce que j'ai habité la source quand j'étais gamin. Et quand je vois la différence, là, ça change la vie. Hein. Oui, bien sûr. Ça a coûté combien 17 millions d'euros. Ouais, 17 millions, ça va, c'est pas trop cher. je vais acheter 17 factories avec ça. À peu près. Voilà, enfin bref, on est... c'était nécessaire aussi, parce que quand on voyait la vétusté de la piscine, c'est un équipement qui était attendu et qui, j'espère, sera utilisé au maximum et profitable pour les familles, notamment du quartier de la Source. Ouais, en tout cas, il y a des bons retours pour le moment. Hein. J'ai eu pas mal de bons retours. Bah, tant mieux. Voilà. Alors, quand tu es arrivé au sport, la personne qui était à mon toit a fait beaucoup de choses. Ta priorité, toi, ça a été quoi? La première des choses que tu as envie de faire, ou tu as eu le plus gros dossier que tu as à traiter quand tu arrives sur ton bureau? Moi, c'est quoi le plus gros dossier? Ma priorité, déjà, c'est pas de casser tout ce qui a été fait. Bien sûr, il y a eu du bon boulot de fait, faut être honnête. Parce que on n'est pas là pour gérer des problèmes de personnes. Enfin, moi, je parle pas de personnes. Ouais, bien sûr. Hein. Ma première priorité, c'était de rencontrer toutes les associations sportives. Une par une, il y a du boulot. Depuis le 6 juillet, c'est le cas. T'arrêtes pas. Sur des créneaux de 30 minutes afin de faire connaissance, et ça, ce sera répété une fois par an, deux fois pour ceux qui sont sous convention d'objectifs. Donc ce sont les plus grosses associations. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent, ces personnes-là? C'est d'avoir de l'écoute. Et pour moi, c'était le plus important, c'était de pouvoir répondre à leurs interrogations. Ouais, de l'écoute et aussi de l'argent, parce que c'est pas facile aujourd'hui, les assos, c'est un peu plus galère d'avoir de la thune. Aujourd'hui, et je pense que par rapport aux 134 qu'on a vu sur les 192, je peux vous dire qu'il n'y a pas énormément d'associations en difficulté. Celles qui sont en difficulté, on les aidera. On en a aidé notamment l'USO Hand par rapport à la délibération du dernier conseil municipal, à plus que ce qui était prévu par mon prédécesseur. Et derrière, on en a d'autres, mais on sera extrêmement vigilants. Ce sera à la fin de l'année sportive 2021, 2020-2021, parce que pour moi, c'est pas maintenant qu'on voit les pertes. Ce sera à la fin de la saison sportive. Il y a le complexe qui va se monter aussi, le complexe nautique. Avant, c'était la prison d'Orléans. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Pour toi, c'est nécessaire ou pas? Je sais pas. Il y a beaucoup de critiques. Je sais pas. Moi, j'ai visité l'ensemble des équipements sportifs de la ville, mis à part celui-ci. Ah, tu n'as pas encore été. Voilà, j'ai pas mis. Comet, j'avais pas vu. J'ai vu ce matin. Comet, il est en train de se monter. Ouais. Voilà. Sur la planète. Mais l'eau, je l'ai pas encore vu. L'autre, d'accord. Comet, sacré budget. Je connais un petit peu le dossier. Ouais. Pour toi, il manque quoi aujourd'hui à Orléans côté sport? Pour moi, il manque une patinoire. Alors la patinoire, je suis honnête, je connais Frédéric Lepaule. La patinoire est arrivée. Apparemment, ils veulent la déménager d'ici 2-3 ans, non? J'ai vu un reportage. Nous, notre volonté et la volonté de la ville d'Orléans, et la mienne surtout, c'est de trouver un lieu qui soit accessible à tout le monde au niveau de la métropole. Alors moi, je connais un peu la patinoire, Renaud, Philippe, Thomas, excuse-moi, parce que j'ai mixé là-haut un petit peu. C'est vrai que, pour se garer, c'est la galère. Elle est vieillotte. Donc c'est vrai qu'une belle patinoire, ça ferait du bien. Et puis aujourd'hui, quand on a la visitée, on voit qu'elle est vétuste, comme tu l'as dit, elle a plus de 40 ans. Il faut penser aux utilisateurs, qui sont à la fois les clubs ou le public, et ce qu'on peut y faire. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Donc pour moi, c'est une priorité aussi d'avoir ça. Et puis surtout, la rénovation du Palais des Sports, qui est dans son jus, on va dire. Donc ça, c'est un peu les priorités, entre guillemets. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis elles sont bonnes, les priorités. C'est vrai que c'est assez vétusté. C'est important. Après, on a une priorité aussi, mais ça, c'est un fil rouge, et c'est surtout du lobbying. C'est les Jeux Olympiques 2024 à Paris, où on souhaite accueillir des délégations pour venir s'entraîner chez nous. Donc pour ça, il faut faire parler d'Orléans un maximum et faire venir des équipes de France un maximum. Et c'est chose faite. On a là aujourd'hui, depuis vendredi, on a l'équipe de France de futsal qui est présente au Palais des Sports pour deux matchs internationaux. On aura l'équipe de France féminine fille qui vient le 23 octobre jouer un match qualificatif de l'Euro. Ah, c'est bien ça. Et on en aura d'autres qui vont arriver d'ici peu. Donc ce sont des bonnes choses, et en termes d'attractivité et de visibilité de notre territoire, c'est important. Ouais. L'USO, on va parler de l'USO, l'USO Football. L'USO Football qui sont descendus malheureusement. On espère une montée pour toi. Elle est envisageable cette année? Elle est possible? Non, elle n'est pas possible. Ça va être compliqué? Non, pas que c'est de la médisance ou quoi que ce soit, mais je pense que au niveau sportif... parce que pour moi la montée elle se fait qu'au niveau sportif, même si après on pourrait parler des coulisses, mais c'est pas la peine. Le niveau sportif est malheureusement un peu trop faible par rapport à ce qu'il peut y avoir dans le championnat, ouais. Et je pense que ça va être très très compliqué de finir dans les trois premiers. Ça va être dur, Oui. Il faut être honnête. Moi je suis honnête aussi. Hein. Est-ce que justement par rapport à toi, c'est pas compliqué d'être dans les coulisses alors que mais comme j'ai dit, de côtoyer des personnes que t'as pas forcément envie de voir. La première chose que j'ai dit, c'est que je m'occuperai pas de l'USO. D'accord, ok. Voilà, au niveau tout ce qui est financier, parce que je pense pas que ce soit sain. J'ai joué 30 ans au club. Ouais. Voilà, les gens. Non, c'est pas une question de finance là. Non, c'est une question de recrutement de joueurs. Ouais. Pour moi, c'est trop compliqué. Après, ça n'empêche pas que les mecs sont. J'en connais plutôt pas mal. C'est des bons mecs, mais voilà, je pense. C'est pas triste que, hein, quand même. Que ça fasse. C'est triste. Oui, c'est triste. Bon parce stade. Que quand on voit tout ce qui a pu être fait et mis en œuvre pour le club, en arriver là, c'est triste. Ouais, c'est vrai. Comment Thomas Renaud il voit l'avenir aujourd'hui en tant qu'élu? Il est bien positionné ou alors il se dit ouais, je sais pas, ça va être du boulot avec le Covid notamment parce qu'il est toujours là présent, ça va être plus dur à gérer. Alors je suis moi de manière toujours positive c'est après ce et je pense que c'est important même quand on voit le cas de Richard, il est dans son fauteuil, il n'ose plus bouger. Non, mais ou même le tien. Moi, ça fait 7 mois que je suis fermé. Alors, tu sais, maintenant, moi, je me suis habitué un peu. Excuse-moi, toi, de couper la parole. Je me suis habitué, mais j'ai un coup de gueule à pousser, franchement. Quand j'ai vu ce week-end ce qui se passait au Campo Santo, j'ai vu qu'il y avait le festival. Alors, je crache pas dans la soupe, sur l'événementiel, il faut que tout le monde travaille. Et ça, j'en suis conscient. Bien sûr, hop, il y a eu ce festival. Bon, je dis rien. Moi, j'ai des clients qui m'ont envoyé des messages en me disant t'as vu. Plein de people, plein de monde, du bruit, etc. Bon, bah, pas trop de masse, pas trop de distanciation, etc. Bon, ça fout un peu les boules, parce que quand c'est tes clients qui t'envoient ça, qui disent, vous, pourquoi vous êtes pas ouvert, alors, tu vois. Bon, ça, j'ai un peu les boules, mais bon, c'est pas grave. Mais tant que la culture est là, il en faut de la culture. Et il faut des choses vivantes aussi pour faire bouger la ville, non? Je pense. Non, mais oui, c'est important, il faut la faire bouger. Après, moi, comme tu me dis, comment est-ce que je vois la vie vis-à-vis d'événements comme vous pouvez le vivre aujourd'hui. Moi, j'ai pas. Les discothèques sont fermées depuis 7 mois. Autre chose. Donc c'est pour ça que j'entends bien ce que tu dis. Ouais. Et je me dis que par rapport à un mec comme toi, j'ai pas le droit de me plaindre. Non, mais moi je me plains pas. Juste, il faut qu'on nous aide. Voilà, tu vois, les aides sont toujours pas tombées. Moi, je suis honnête. Hein, on devait avoir des aides, là, on les a toujours pas. Hein, j'espère que ça va arriver. Soit on nous ferme, ok, mais il faut nous aider. Voilà, financièrement, il faut nous filer un coup de main. Hein, faut être honnête. Thomas, un dernier mot. Je sais que tu m'as dit jusqu'à 18h. Ouais, il est 18h. Bon, ça va. Bon, non, je vais pas me faire engueuler après. Hein. un dernier mot pour conclure ce bel interview. Puis merci vraiment d'avoir accepté notre invitation, Thomas. Non, mais c'est normal. Écoute, il fallait. J'essaie de répondre au maximum positivement. Bah, à chaque fois que je t'appelle, tu me dis ouais, je viens. Voilà, je sais, et il fallait. J'essayais de venir un petit peu plus tôt. Je devais venir. Non, c'est plus pas tôt, grave. Bon, moi, tu sais, je suis habitué. Hein, et écoute, non, mais merci à toi pour l'invitation. Tu reviens quand tu veux, moi, parce que 34 ans de Radio Arc-en-Ciel, pas pour moi hein, qu'elle existe. Moi, ça fait 4 ans que je suis là. Avant, j'étais sur Vibra. Et on a quand même 8-9 000 auditeurs qui nous écoutent la journée. C'est bien sûr, sur Orléans, une petite radio qui se bat, qui se démène, une association en plus. C'est très bien. On vient tous à l'œil. Je suis à l'œil, je suis partout. J'ai vraiment pas de bol, moi. Le mec a pas de bol, quoi. Merci à toi. Écoute. Et puis voilà, il faut qu'on arrive à serrer les coudes au niveau de cette épidémie et que certaines mesures qui sont prises, notamment pour moi au niveau des sports, c'est pas forcément de gaieté de cœur, mais si on met pas la main à la pâte, on va se le traîner encore un moment. Ouais, c'est vrai. Voilà. Justement, on parle de sport pour terminer rapide, revenir au Factory. Le sport, le bowling, c'est du sport aussi. Richard Leroux, tu vas mettre ton casque comme ça. Thomas, c'est du sport le bowling. Le bowling, j'ai reçu Funballer. Les winners. Quand je vous ai dit j'ai reçu les associations, c'est vraiment toutes les associations. Ça fait peiner aussi à voir hein, parce que bon, c'est vrai que c'est un bowling où tu peux t'entraîner comme des ouf là où il est immense, il est énorme. Tu dois avoir une équipe on a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Et les Funballers, c'était mon ancien club. Ouais, c'est ça. Ils ont joué en première division. Et ben voilà. Merci mes amis, merci Richard Leroux. Merci à toi. Merci Thomas Renaud, élu à la mairie d'Orléans Sport et ancien gardien de but de l'USO. Merci. Et puis de tout cœur avec vous en direct à la radio. Et puis Thomas qui a du boulot, il nous l'a dit. Hein. 18h, 1 minute, on n'a pas dépassé presque. Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? J'observe bouger ta

n'est pas un mot qu'implore les étoiles d'Estelle. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Avec Black Box 89, Run on Time, et profitez du soleil. Demain, ce sera le dernier jour de soleil pour cette semaine. Après, c'est de la pluie. Hein. Les températures demain jusqu'à 24 degrés avec quelques nuages et du soleil. Mais à partir de mercredi, de la pluie malheureusement. On ira. Et bien, on y va tout de suite. Voici Jean-Jacques Goldman sur Radar Conseil. Qu'on voit vivre comme s'ils ignorent qu'un ben, si tu me crois ben, un jour on partira. Si tu me crois ben, un jour. L'After Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Arc-en-Ciel 96.2 FM. J'avais chacun de mes pas. Erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me noie dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Allez, Rancel avec De Palmas sur la route. After Job avec Francky l'après-midi. On est pas mal dans les shows de la radio. Puis demain, notre invité le soir dans les studios en direct, Sabine Guillien, qui est la présidente des Panthères. Oui, Fleury sera à l'honneur dans notre radio demain après-midi aux alentours de 17h, 17h30. Ne ratez pas ce bon rendez-vous. Et Handisport aussi seront là. On parlera du handicap au sport. Et ça me fait un plaisir de les recevoir en direct sur la Rancel. Plein de souvenirs aussi avec Jennifer. Ouais, donnez-nous le temps. On a le temps en ce moment. C'est vrai qu'on a le temps. C'est pour Gaël qui nous écoute sur le 96 de FM. Avec Francky, l'après-midi. spaghetti. C'est qu'à peine d'or qui fait pleurer quand elle y fait oublier tout sa grain. Allô, bouge les reins, c'est gala pour faire ta passe toute la fin. Mette la foi dans tous les quais. Fini danser, pas besoin de tomber. Ici c'est grâce à nous dansons frais. De Paris à l'île aux Cèdres. Allez, Conseil, je vous donne rendez-vous demain, 17h-19h, direction le Portugal, RDP International. Passez une excellente soirée au Portugal, RDP et les Flash Info.